93.5 de Radio Clapas, parole est donnée au collectif La Boussole. Accompagnement des personnes en situation de précarité avec accès au sport, à la culture et à la citoyenneté. À l'initiative de travailleurs sociaux exerçant dans le secteur associatif, Clapas donne la parole à ses acteurs. L'article 140 du 29 juillet 1998 prévoit que l'égal accès pour tous tout au long de la vie à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national. Bonjour et bienvenue dans l'émission de l'association La Boussole. Avant toute chose, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2018. Nous voici en janvier 2018, toujours sur les ondes de Radio Clapas, 93.5 FM. Vous pouvez nous retrouver toute cette année de midi à 13h, le mercredi, sur Radio Clapas, qu'on vous remercie de nouveau de nous accueillir. Donc aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, c'est une émission musicale, dans laquelle nous venons vous présenter un artiste montpelliérain qui s'appelle POS, donc Petit Oiseau Sauvage, de son vrai nom Loan Marc, qui est un musicien-compositeur vivant à Montpellier. Alors, POS vient aujourd'hui dans le studio pour nous présenter sa musique, qui propose des mélanges de sonorités différentes et variées, passant par différents styles musicaux, comme le world, l'électronique, le hip-hop ou le trip-hop. Après un EP de 3 titres intitulé Somewhere on Earth sorti sur le label Marée Basse en 2016, POS signe un 8 titres chez Green United Music en collaboration avec Universal Productions en juin 2017. Aujourd'hui installé dans son studio d'enregistrement et accompagné de NN, un musicien très talentueux, POS se projette dans une future collaboration artistique et signe 2 nouveaux titres avec Green United Music. Donc bonjour POS. Bonjour. Et bienvenue dans les studios de Clapas et dans l'émission La Boussole. Merci. Merci à toi de venir un peu présenter ta musique, présenter ton travail. Donc première question, moi ça a été un peu la première question quand je t'ai rencontré, POS, Petit Oiseau Sauvage, donc blaze plutôt original. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi ce blaze? Bah, bien sûr, en fait c'est très simple, Petit Oiseau Sauvage... Ça vient du Vietnam, c'est l'origine de mon prénom. En fait, Loan, c'est vietnamien et ça veut dire petit oiseau sauvage. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Okay. Donc bon, je suis pas allé très loin, mais je trouvais ça super. C'est pas mal, d'accord. Et donc depuis combien d'années un peu tu fais de la musique? Tu es aujourd'hui sur Montpellier, mais pas originaire de Montpellier, je crois. Est-ce non, que tu peux ouais. nous dire un petit peu ton parcours musical? Ouais, je suis né à l'Arbrel, en fait, dans le 69, d'accord. vers la région lyonnaise. Ok. Et je suis descendu en 99 dans le sud, plus précisément à Poussan, dans un petit village voisin de Montpellier. Mm-hmm. Et j'ai commencé la musique très tôt, en fait. Je suis batteur de formation. D'accord. Vers l'âge de 8 ans, en fait, j'ai commencé à batter grâce à mon papa, qui est batteur lui-même. Mm-hmm. Alors lui, beaucoup salsa, bossa, musique très latino. Donc très vite, moi, derrière une batterie, un peu autodidacte, parce qu'il n'avait pas vraiment le temps de m'apprendre, j'ai fait mon petit truc, et puis c'est allé très vite en matière de musique, toujours dans la rythmique. Là, on peut le voir aussi avec plusieurs morceaux hip-hop que je fais. Enfin, c'est très lié, en fait, la rythmique à ma musique, comme on va pouvoir le découvrir, j'espère. Oui, on va pouvoir découvrir ça dans l'émission et présenter tes sons. Donc, tu as baigné dans la musique... Tout petit, tu nous parlais un peu là des influences de ton père, entre guillemets. Ouais. Aujourd'hui, dans ta musique, quelles ont été un peu tes influences? Qu'est-ce qui aujourd'hui t'inspire? Qu'est-ce qui t'a inspiré ouais. et qui t'inspire encore aujourd'hui? Mes inspirations, elles sont très world music de par mes parents. Et derrière ça, moi, j'ai pris donc, le... juste, excuse-moi de te couper, qu'est-ce que t'appelles world music pour world des gens music, qui alors la pas world forcément. Music, c'est un peu la musique du monde. C'est pas forcément... C'est compliqué à décrire. C'est pas forcément un style précis. La world music, c'est une musique qui s'inspire un peu, je pense, de tous les pays, de mm-hmm. toutes les nations. Et ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de musique... effectivement latino qui sont pas forcément un tel ou un tel. C'est des mélanges, en fait, de cultures, je pense, à travers ces musiques. Et ça, c'est un des aspects de tes influences. Voilà, ouais. Parce que, comme tu disais, tu as d'autres domaines. Le majeur aspect, c'est ça. Après, j'ai des influences qui sont plus ciblées d'artistes, comme par exemple Vincile, je sais pas, par exemple Trilogue Gourtou aussi, Joey Zawinul, je sais pas si ça parle aux gens, tout ouais, ça. C'est, à c'est moi, un peu mélangé. Pas forcément, mais à d'autres sûrement. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est des musiques voilà, très expérimentales, un peu électroniques des fois, mais surtout voilà, riche de plusieurs cultures. Ok, bah, je pense que le plus simple c'est déjà d'écouter, ouais. D'écouter des morceaux pour découvrir ta musique, et puis on continuera au fil de l'émission à te découvrir toi et ta musique. Donc là, pour commencer, on va vous passer les deux premiers sons. Le premier qui s'appelle Beginning a New Life, et le deuxième qui est Keep Comfy. Donc on écoute ça et on se retrouve ensuite avec POS. De retour dans l'émission de l'association La Boussole avec l'artiste POS, dont on vient écouter les deux premiers morceaux, Beginning a New Life et Keep Confi, du 8 titres intitulé Somewhere on Earth, qui est sorti en 2016. C'est ça. Et que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner des contacts si les personnes veulent retrouver un peu tes sons, te connaître, te contacter? Alors, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Loan Pose, donc Loan, LOAN-6, P.O.S. Y a SoundCloud aussi, SoundCloud. Donc, sur SoundCloud, c'est pareil, c'est Loan Marc, donc Petit Oiseau Sauvage sur Montpellier, voilà. Et Instagram, Loan Pose, tout simplement. D'accord, merci. Et vous pouvez aussi retrouver donc sur le Facebook de l'association La Boussole cette émission en podcast et également sur le site de Radio Clapas, radioclapas.fr, et sur 93.5. J'en profite aussi, j'ai pas présenté Julia qui est aussi dans nos studios et qui accompagne Loan dans son travail. C'est ma doudou. Voilà. C'est mon amoureuse qui m'accompagne. Donc, on vient d'écouter ces deux premiers sons, de découvrir un petit peu ton univers. Tu nous expliquais tout à l'heure que depuis tout petit, t'as un peu baigné dans la musique. Ouais. De nous parler un petit peu de tes influences, même si c'était rapide, parce que c'est vrai que tu nous as parlé du World, et là on retrouve. Ah, je suis passé du Coca Light. Ouais. C'est là. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus aujourd'hui là sur ta musique, sur un peu les morceaux là qu'on vient d'écouter qui sortent de ton 8 titres. Ouais. De qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à aujourd'hui d'écouter la musique et en faire. Et voilà, qu'est-ce que tu recherches aussi un petit peu dans le fait de faire partager cette musique. Eh ben ouais, alors moi, l'idée, mon vecteur un petit peu, ce qui me mène à tout ça, c'est le langage musical, c'est celui que j'ai pas forcément avec les mots, c'est ma manière de m'exprimer différemment qu'avec le langage qu'on connaît tous, c'est-à-dire la parole. Tout ce qui m'attire moi dans la musique, c'est l'instantané, la rythmique aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, parce que c'est du langage, mais par exemple, sur les morceaux qu'on vient d'écouter, au final, il y a peu de texte. Donc, et c'est vraiment du langage musical. C'est sonore, exactement, oui. Alors, pour ce qui est des morceaux qu'on a entendus, c'est fort de voyage. Je suis parti un an aux Antilles, et quand je suis revenu, j'ai pas pu composer là-bas, c'est bien dommage, mais j'ai respiré tellement de choses, c'était tellement fort que quand je suis revenu, j'ai composé ces 3-4 morceaux-là, donc Beginning a New Life, Keep Confi, et d'autres qu'on va sûrement écouter. Donc je pense que ces musiques-là aussi sont riches de ces voyages et de l'envie aussi que j'ai eu de les retranscrire, c'est-à-dire d'exprimer tout ça en sachant que moi, j'ai pas forcément pu exprimer mon voyage autour de moi, à ma famille, et donc j'ai préféré faire des musiques. Ok, donc le mieux pour comprendre, rebalancer un son de toi. Donc on va écouter cette fois-ci Down Sector, et ensuite on parlera un petit peu plus de comment tu travailles, de tes méthodes de travail, de revenir un peu sur tes influences, et pour parler de ta musique. Donc on écoute Down Sector. Thank you. on se retrouve dans les studios de Clapas, dans l'émission l'association La Boussole, avec POS dans nos studios, et également Julia. POS, que vous pouvez aussi retrouver sur Facebook. Est-ce que tu peux me redonner ton compte ? Yes, alors Facebook, ben Facebook, c'est loan-p.o.s. Voilà, tout simplement. Et sur SoundCloud aussi ? SoundCloud, c'est Petit Oiseau Sauvage sur Montpellier. Voilà. Et donc, vous pouvez retrouver les sons qu'on écoute depuis le début de l'émission. Donc là, on vient d'écouter Downing Sector aussi. Yes, Downing Sector, gros morceau, grosse ambiance. J'ai réalisé ça avec un copain, en fait. Là, il y a une vieille guitare qui traîne dans le fond. Mmh. C'est une ambiance qui exprime énormément ma tristesse un petit peu. Alors, c'est général, hein, je cible pas forcément. Mais voilà, c'est un morceau qui est lourd, je pense, au niveau... Voilà, c'est une ambiance très lourde. Voilà. Ouais, du coup, ça se, comme tu dis, ça exprime ta tristesse sur ce moment-là. On en revient un peu à ce que nous disais tout à l'heure, comme un langage musical. Ouais. Et donc là, tu nous disais, on entend une petite guitare, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement comment tu travailles ? Donc, tu as un studio d'enregistrement. Ouais. Donc voilà, comment tu crées un son, j'ai envie de dire, techniquement parlant, mais comment aussi tu crées un son dans ta tête ? C'est-à-dire, quand est-ce que tu te dis, là, je m'y mets, est-ce que tu as besoin de conditions particulières pour travailler ? Et ouais, comment tu travailles ? Ouais. Alors moi, c'est comme tout à chacun, assez particulier. Il y a les moments instantanés où je crée sans trop réfléchir. Il y a les moments un peu techniques. J'aime beaucoup l'instantané, mais je suis un peu de ceux qui essayent tout. Mmh. Dans ma musique, assez éclectique, on retrouve beaucoup, beaucoup de styles musicaux différents. Là, en l'occurrence, pour Downing Sector, c'est un morceau qui est quand même très instantané, où je suis arrivé très triste dans mon petit studio, qui est composé avec deux pianos, deux ordinateurs. Je travaille en MAO, en fait, musique assistée par ordinateur. D'accord. Donc, j'ai du MIDI branché dessus, console, monitoring. Donc là, je fais tout péter dans le studio et je me fais plaisir. Bon, quand ça va pas, c'est pareil. J'essaye aussi de faire de la musique. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas pour Downing Sector. Je suis arrivé triste dans mon studio et ça a été instantané pour le coup. D'accord. Pour ce qui est de Keep Confi, un morceau avant, là, ça a été un morceau technique où il y a une basse qui groove avec la rythmique. Il y a des appels fond de temps, donc c'est technique aussi dans la musique. Voilà. C'est des deux morceaux, en fait, je travaille déjà différemment. Alors donc, qu'ils sont faits assez proches les uns des autres. Hein. Donc, tu as à la fois de l'instantané, mais aussi des sons préparés qui deviennent au fur et à mesure. Ou effectivement, comme tu dis, qui peuvent même me venir avant. Mm-hmm. Et que je travaille pas donc, forcément. Voilà, je réfléchis, je m'inspire. Mm-hmm. Donc c'est un peu calculateur. Ouais. Et sinon, j'aime quand même beaucoup travailler dans l'instantané. Et en termes de temps de travail, concrètement, un morceau, ça te représente beaucoup de temps ? C'est comment ? C'est variable, mais en général, j'y passe bien entre 8 et 10 heures pour un squelette. Donc, ce qu'on appelle un squelette, c'est la base du morceau, sans parler de structuration, de changement, de... Enfin bref, je passe tous les petits détails un petit peu chiants. mais important aussi. Parce ouais, que, c'est important, mais... Il y a du travail derrière. Voilà. Carrément, ouais. Ça peut être des nuits blanches, ça peut être très tôt le matin. Ça dépend aussi de mes envies, hein, bien sûr. Il y a des jours sans musique. Mais la plupart du temps, c'est du boulot quand même. Ouais. Voilà, c'est ça aussi l'idée, c'est-à-dire que derrière tout ce que tu proposes, il y a du travail, des heures de travail. C'est aussi voilà, pour les personnes qui écoutent, hein, qui sont intéressées par la musique, qui veulent se lancer, créer du son, allez-y, mais il y a du travail, il y a beaucoup de travail derrière. Je pense aussi qu'il faut être, parce que je parle d'instantané, je parle de travail aussi, je pense que, je ne sais pas si on peut lier les deux, mais en tout cas, moi j'arrive à faire un peu des deux. Et en l'occurrence, là, de faire un petit peu de technique, c'est bon aussi, c'est bon pour expérimenter, pour comprendre un petit peu tout ce que je fais aussi, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, moi, je suis autodidacte, donc personne m'a appris ce que je fais. Je le fais par plaisir, c'est peut-être ce qui fait que je vois pas les heures passer aussi. Oui, bien sûr, il y a de la passion derrière. Je pense que pour pour tout compositeur ou tout musicien, quand on a assez d'attrait pour une chose, on y va et on regarde plus derrière soi, quoi. Et tu te mets dans une bulle un peu quand tu composes? Complètement. Seul, j'aime beaucoup être accompagné, mais ça va être de musiciens. Ouais. C'est vrai que je vais avoir du mal à composer dans un environnement où il y a des gens autour de moi qui sont pas là pour composer. Mmh. Mais sinon, ouais, le fait d'avoir un petit 15 mètres carrés pour composer, donc j'ai une petite salle pour moi, insonorisée. Ouais, c'est quand même une sacrée bulle. Ouais. D'accord. Donc ouais, je me fonds dans une petite bulle et puis je me laisse aller la plupart du temps. Et quand j'ai besoin de technique, par exemple, je fais. Ok. Eh ben, le plus simple, je pense, c'est d'écouter un nouveau morceau. Ouais, ensuite, on ira plaisir. Un petit peu sur comment tu essayes de diffuser tout ça, comment tu essayes de communiquer un petit peu tout ça au plus grand monde à travers notre émission de radio aujourd'hui, mais aussi les réseaux. D'autres réseaux. Donc, on va écouter tout de suite Chinatown. De retour dans l'émission de l'association La Boussole, toujours avec POS, que vous pouvez retrouver sur Facebook, toujours sur les ondes de Radio Clapas 93.5, radioclapas.fr, vous pouvez retrouver toutes les émissions de La Boussole en podcast. Donc comme on vous le disait aujourd'hui, émission musicale avec POS, un artiste montpelliérain. Donc on vient écouter un son Chinatown. Donc depuis le début de l'émission, POS nous a parlé un petit peu de son parcours, quelque peu de ses influences, de sa musique, de comment il travaille, de l'aspect, ouais. de l'aspect à la fois technique, mais aussi un peu instantané de sa musique. Donc on a pu se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'influences de par ton parcours, ton histoire, tes voyages, mais aussi beaucoup de travail. Et donc ce travail il continue notamment dans la diffusion de la musique parce que quand on fait de la musique j'imagine que c'est pour pouvoir le diffuser au plus grand nombre, donc il existe des réseaux internet Maintenant, tout ça mais c'est pas forcément toujours simple non plus, donc voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu travailles aussi autour de la diffusion dans les dans les labels avec lesquels t'as pu, tu peux travailler aujourd'hui. Voilà, nous raconter un petit peu tout ça. Bien sûr. Bah alors voilà, moi, j'ai pas beaucoup eu la chance en fait de pouvoir diffuser ma musique. Ça fait à peine 2 ans que je la diffuse sur les réseaux, alors que ça fait un peu plus de 10 ans que j'en fais. Donc il y a du stock. Ouais, il y a du stock à fournir. Bon, je travaille encore sur des trucs que j'ai fait il y a quelques années. Mais donc là, aujourd'hui, bah, j'ai un peu cette chance de pouvoir diffuser un maximum de choses sur les réseaux, donc notamment Facebook, SoundCloud, YouTube. À l'époque, c'était MySpace. Mm-hmm. J'ai un peu arrêté, je ne suis plus sur MySpace. Enfin bref. voilà, donc bon, c'est dur de générer un flux un petit peu sur Internet. Il y a des méthodes de communication. Il y a des gens qui travaillent dur pour ça, donc on ne peut pas forcément l'inventer. Mm-hmm. C'est un vrai travail. Ouais. Voilà, à moins d'avoir ce petit quelque chose. Ce qui fait qu'on sort, enfin, comme on aime bien dire, qu'on sort un peu de la bulle, mais bon, là en l'occurrence, c'est pas trop mon cas. Mais moi, c'est avec grand plaisir que je partage ma musique sur ces réseaux, c'est une chance, je le dis encore. Et donc, en l'occurrence, là, ça a pu en fait l'idée de partager, je pense, sa musique, c'est de sensibiliser un peu les gens, c'est de faire appel aussi. Par exemple, aux collaborations, moi je fais beaucoup de musique qui manquerait de voix, on le dit souvent, notamment pour ce qui est du hip-hop, où je fais souvent appel à des rappeurs qui viennent placer leurs lyriques. Qui postent sur tes instruments. Pour ce qui est du hip-hop, ouais, alors le hip-hop sur YouTube, donc YouTube, bah, Petit Oiseau Sauvage, voilà, tout simplement, Montpellier. Donc il y a des instrus disponibles aussi, donc s'il y a des gens très intéressés, on peut se contacter. Et voilà. Et est-ce que toi, t'as, d'ailleurs, au niveau parole, tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, toi, t'as l'envie de développer un peu plus les sons avec des artistes, au-delà même du hip-hop, ou t'as encore, tu préfères quand même rester dans une musique où il n'y a pas forcément de chanteurs, de choses comme ça? Ouais, moi, j'aime tout. Mm-hmm. J'aime tout. J'ai envie de faire plein de choses. Je sais que pour le hip-hop, c'est super intéressant que, au final, la musique soit comblée par des lyriques. Pour ce qui est du hip-hop, bon, c'est parce que ça s'y prête. Après, pour ce qui est des autres musiques, un peu world, électronique, il y a beaucoup de musique qui se passerait de voix, mais on n'y est pas habitué, je veux dire... c'est une époque où c'est bien de finaliser un morceau avec une voix, voilà, quel qu'il soit. Mais c'est pas une fatalité. Il y a beaucoup de morceaux qui sont ambiancés et qui fonctionnent très bien sans voix, pour ce qui est de la world, électronique, etc. Mais le hip-hop, je pourrais pas en dire autant. Et donc d'ailleurs, en termes de pour en revenir un peu à la diffusion. Donc tu as sorti un 8 titres chez Green United Music. Yes. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Avec plaisir. Alors là, bah, pareil, tu vois, on parlait de réseau. En collaboration avec Universal. Ouais, alors je vais vous expliquer tout ça. En fait, c'est très simple. C'est des gens qui sont venus me démarcher sur SoundCloud. Donc ils étaient très intéressés par la musique que je proposais. De par ce contact là, on a décidé de partager, donc j'ai signé avec eux 8 titres pour les placer en fait sur de l'illustration musicale, donc sur la grande bibliothèque Universal Productions, pour les films, les documentaires, les séries, enfin voilà, c'est de l'illustration musicale. D'accord. Donc c'était très intéressant d'être démarché par ces gens-là, qui est quand même une grosse structure, qui travaille dans le monde entier, donc avec des agences de publicité, je ne citerai pas de nom, mais c'est quand même assez gros. Donc moi je me retrouve face à ça, voilà, je touche des royalties grâce à ça, donc ça me permet de pouvoir aujourd'hui faire à 100% de musique, quoi. D'accord. Voilà, un petit peu grâce à cette petite notoriété qui est tombée là il y a un an, jour pour jour pratiquement. Donc c'est très frais et j'espère que ça continuera avec eux. Je le souhaite en tout cas. Ben écoute, on te le souhaite aussi. Merci. Bon, on va écouter un nouveau morceau. Ouais. Qui s'appelle Lucide. Lucide. C'est ça, l'un des rares titres en français. Ouais, alors là, c'est un nom en français. J'espère que ça sera un rappeur français. Je le souhaite. C'est une invitation, mais c'est un morceau qui me tient à cœur. C'est du hip-hop. Ça, c'est pareil. Il y a une volonté de faire plus de. Est-ce que plus d'anglais, plus de français, ou c'est un peu au feeling Au feeling. Moi, je me laisse aller dans la rencontre. En premier, la personne qui va me contacter, d'abord on va se rencontrer, je pense, c'est important. Et il y aura une rencontre plus que voilà, l'aspect, on fait ça professionnellement ou pas, je ne sais pas. Mais... Rencontre humaine avant que ce soit une rencontre musicale. Ouais, c'est important. Attaché à ça. Ouais, c'est important. Alors on va écouter Lucide. Yes. Et de retour dans l'émission de La Boussole, toujours avec POS, dont on vient d'écouter le son qui s'appelle Lucide, donc Hello. Un son hip-hop, c'est ouais, ça hein ouais. Donc bah, si vous avez s'il y a des chanteurs qui sont à l'écoute, hein, qui ont pu être intéressés par ce son, on vous invite à contacter POS pour le rencontrer yes. et voir avec lui si... pour poser sur des sons, parce que ça fait partie de tes recherches aujourd'hui. Mais comme tu dis, c'est des recherches aussi avant tout humaines, ouais, plutôt, ouais. plutôt que musicales. Je vous rappelle que tous ces sons que vous écoutez depuis le début de l'émission, vous pouvez les retrouver en podcast sur le site de radioclapas.fr et aussi bah, sur le compte Facebook de POS, ouais. dont tu peux nous rappeler, s'il te plaît. Yes, Facebook, loan-p.o.s, et puis sur SoundCloud aussi, Petit Oiseau Sauvage, Montpellier, et YouTube pour le hip-hop, YouTube, donc Petit Oiseau Sauvage aussi sur Montpellier. Voilà. Donc, on a parlé de pas mal de points. Tu as aujourd'hui d'autres projets, déjà bah, de continuer, de la, continuer musique. La musique, hein, comme tu le fais au quotidien, comme tu nous expliquais. Et tu voulais nous parler aussi notamment d'une rencontre que tu as pu faire dernièrement avec ouais. un artiste. Ouais, un super musicien. Alors, c'est un violoncelliste qui sort de 12 ans de conservatoire. Enfin, il sort, ça fait un petit moment qu'il en est sorti. Mais bon, on s'est rencontrés il y a un petit moment. Et puis, on a pu, par disponibilité, on a pu faire de la musique ensemble il n'y a pas longtemps, là. Et ça a donné des belles choses. Donc je suis très content de parler de cette personne aujourd'hui qui s'intitule, donc son pseudo c'est NN. Et donc c'est Nicolas Nougared, hein, c'est quelqu'un qui est de ma région là, qui est du coin, qui est de Montpellier aussi, et qui est très très efficace et qui m'aide beaucoup dans mes réalisations musicales et artistiques aujourd'hui. Donc des derniers morceaux qu'on va pouvoir entendre sur mes liens artistiques, donc SoundCloud, Facebook, YouTube, il y a sa touch dedans, donc il y a sa petite touche personnelle, et dans certains morceaux qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'entendre mais qui sont sur mes liens, où il fait du violoncelle dedans et c'est assez classe. Ouais, on voit qu'il y a vraiment une grande diversité de musiciens. T'es ouvert à tous les musiciens, en fait. Ouais. Je le répète, je suis éclectique. J'aime beaucoup, beaucoup de styles musicaux et j'apprends. Je continuerai d'apprendre, je pense. Donc, je suis très ouvert. Eh ben, on espère d'ailleurs que l'un des buts aussi de cette émission, c'est de pouvoir aussi... on espère te faire connaître et donner envie à d'autres artistes de pouvoir te rencontrer. Et voilà, vous avez la possibilité de rencontrer un artiste qui est ouvert à tous les styles musicaux, qui a des connaissances dans tous les domaines. Donc, n'hésitez pas à le contacter directement pour travailler avec lui. Et avec grand plaisir. Dire. On disait tout à l'heure de recherche de chanteurs aussi, éventuellement, sur du hip-hop ou des choses comme ça. Ouais, même des gens qui auraient besoin de mettre une musique sur un clip, ou là par exemple dans mes projets professionnels un petit peu, des choses qui aboutissent aujourd'hui, des choses qui m'ont donné des idées. Donc là par exemple, en l'occurrence, un projet qui me tient à cœur, c'est de proposer des musiques pour des petits projets, donc avec un petit budget forcément. Pour des gens qui auraient besoin d'une musique pour faire vivre un projet, donc personnel ou pas personnel, hein, pour une publicité ou pour mettre en avant un lieu qui vient d'ouvrir, un bar. Voilà, toujours dans l'idée un peu de l'illustration musicale. Alors, on pourrait croire que c'est un petit peu le label qui est venu me contacter, qui m'a mis la puce à l'oreille. Mais je pense que c'était pas anodin non plus et qu'il y a quelque chose à faire. Alors, faut savoir que c'est vrai que ça peut être intéressant de proposer ça à un petit prix parce que c'est pas le cas de mon label. Et je trouve intéressant aussi de pouvoir le faire dans certaines circonstances, c'est-à-dire plutôt détente. Et puis pareil, à la maison, on peut se rencontrer dans mon studio, on peut passer du temps en dehors de la musique aussi, c'est important pour essayer de fabriquer des choses ensemble. Donc là, en l'occurrence, voilà, mon projet un peu perso du moment, c'est ça. Voilà, on entend quand même chez toi le côté à la fois professionnel de réaliser de la musique, mais le côté humain indispensable dans ce travail-là et dans cette réalisation-là. Et voilà, aujourd'hui, t'arrives à lier deux, de pouvoir en plus en vivre. Donc, on te souhaite vraiment que tout ça se continue. Je sais que t'as l'idée aussi, éventuellement, peut-être d'arriver à en créer une structure, de pouvoir en professionnaliser. Donc, on va pas rentrer dans les détails. De ce projet-là, parce que ça demanderait c'est du temps. C'est en train de se broder, en fait. Mais voilà, tout ça pour dire que t'es aussi dans une dynamique de pouvoir te structurer pour continuer à diffuser, à faire de la musique aussi propre et professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la musique et voilà, qui se rendent pas forcément compte du temps que du travail nécessaire et le rendu est pas non plus forcément toujours génial, ça c'est mon propre avis. Ouais, en tout cas, la musique c'est un vrai travail et on peut le voir avec les sons que tu nous proposes aujourd'hui que voilà, on a du travail professionnel. J'essaye que ça puisse voilà, en fait c'est qu'une question de demande, hein. Ça dépend des gens, des besoins de chacun, mais effectivement, bon, aujourd'hui on est un peu poussé à faire quelque chose de qualité Et je m'y prête à cœur joie, et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup à apprendre quand on se frotte un petit peu à ce qu'on appelle le professionnel. Mais c'est très très intéressant. Après j'essaie de rester humble, je dis pas pour autant que je suis professionnel, mais j'essaye. Tu y vises en tout cas, voilà, dans ta façon de travailler du moins. Voilà, j'ai envie que ça soit quelque chose qui puisse, déjà qui puisse me faire rayonner en premier temps, mais je pense que si ça peut me faire rayonner, c'est aussi parce que j'y ai accordé beaucoup d'importance et que voilà, il y a forcément un peu de technique là-dedans, mais c'est ce que je fais de mieux aussi. C'est-à-dire que malheureusement, ça serait dommage de, parce que je fais de la cuisine, j'ai fait beaucoup de cuisine. Non mais voilà, j'aime beaucoup la cuisine, mais c'est un enfer, c'est un calvaire. Et j'aimerais beaucoup encore aujourd'hui pouvoir me dire que ça continuera, le fait de pouvoir faire de la musique non-stop en ce moment, quoi. Eh bien, écoute, on te le souhaite. Bah, merci beaucoup. Et le plus simple, c'est d'écouter un de tes nouveaux sons. Ah ouais. Qui est un remix de Negative Headphone. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors ce remix, c'est génial. Là, j'ai fait une rencontre. Bon, c'est une rencontre à distance. C'est un Japonais qui vit à Yagamoto. Alors bon, je sais pas si j'ai bien dit, c'est pas grave. Mais c'est une super rencontre. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire un remix d'un morceau très épuré de cet artiste-là. C'est un morceau piano, du début à la fin. Et moi, j'ai comblé, j'ai mis de la rythmique, j'ai mis des synthés, j'ai mis des effets. J'ai fait mon petit audio designer, comme on dit. Et voilà, donc je suis très fier de présenter ce petit morceau-là. Qui s'appelle With Heart, With Brace. Alors donc, on écoute. Thank you. De retour dans l'émission de l'association La Boussole avec POS, dont on vient d'écouter le son, qui est un remix de Negative Headphone, qui s'intitule... Qui s'intitule, en fait, je vais faire la version française, avec le cœur et avec les bleus. Voilà. Et dans anglais, ce morceau, si on voulait retrouver, voilà, en anglais, c'est With the Earth, With Breath. Donc vous pouvez retrouver ces sons-là sur le SoundCloud de Facebook, POS. SoundCloud. Donc le SoundCloud, c'est Petit Oiseau Sauvage, voilà, from Montpellier. Et le Facebook, c'est loan-du-6p.o.s. Puis il y a YouTube aussi, YouTube Petit Oiseau Sauvage, voilà, de Montpellier aussi. Voilà. Okay. Là, dans le petit morceau qu'on vient d'écouter, bah il y a quand même la patte de NN, donc de Nico, l'artiste qui m'entoure en ce moment là, et aussi dans le morceau qu'on s'apprête sûrement à écouter. Le dernier morceau qu'on va écouter après s'être dit au revoir. Yes. Donc qui s'appelle le morceau Zinc. Zinc. Voilà, un petit hommage à Gainsbourg. Je sais pas si vous allez comprendre. On va écouter ça. En tout cas, avant, on voulait te remercier d'être venu dans les studio de Radio Clapas pour venir te présenter ton travail. On a eu l'occasion de préparer cette émission, de se voir avant, donc c'était très agréable de pouvoir le faire et de pouvoir se voir et de préparer ça. Mais merci. Donc on espère aussi que notre émission t'aura permis à te mettre un peu plus en lumière, parce qu'on pense que tu le mérites. Et merci. Donc merci à toi, merci pour cette émission. On va redonner tous les contacts, donc déjà vous pourrez retrouver cette émission tous les mercredis du mois de janvier de midi à 13h sur Radio Clapas sur 93.5 FM. Vous pouvez la retrouver aussi en podcast sur le site de radioclapas.fr, vous allez sur Association La Boussole. Et bien sûr sur les comptes de POS, donc le compte Facebook. Donc Facebook, loan-du-6p.o.s, SoundCloud, Petit Oiseau Sauvage from Montpellier. Voilà, vous devrez vous en rappeler facilement. Ouais, le YouTube Petit Oiseau Sauvage aussi, voilà, il y a plein de musique, n'hésitez pas, voilà. Et vous pouvez retrouver cette émission sur le Facebook aussi de l'association La Boussole. On va se quitter. De nouveau, vous souhaitez les meilleurs vœux à tous pour l'année 2018 et surtout une bonne santé à tout le monde. Nous, on vous retrouvera toute l'année 2018 sur Radio Clapas, qu'on remercie une nouvelle fois. On remercie encore POS d'être venu dans les studios accompagné de Julia. On Mon se amoureuse. Quitte avec le dernier morceau qui s'appelle Zinc, et on se retrouvera ensuite au mois de février pour une nouvelle émission de l'association La Boussole. All right. Au revoir. Thank you.